cette ville, brassée par l'urbanisme, a survécu un quartier aux allures du vieux Paris. Petit lieu paisible sur lequel on ne peut médire, on veut juste y vivre vieux, pour le meilleur, pour le meilleur et pour le pire. Tous les jours, c'est sans se lasser que l'on foule du pied le vieux pavé qui a gardé les traces du passé. Et dans ces pierres usées par les pieds et les années, on pourrait retracer l'histoire de ce vieux quartier. Si vous questionnez, on vous répondra sans hésiter que rien n'a changé depuis toutes ces années, pas même l'histoire de ce bon vieux Gaspard qui ne se raconte que le soir. Au coin de la rue, au coin de la rue Bricard, au coin de la rue Bricard, au coin de la rue Bricard. Et ce qui avant tout fait la beauté de cet endroit, c'est un vieux lampadaire qui erre au coin de la place des Lumières. Pas plus bavard que le reflet d'un miroir, il en sait plus qu'il en a l'air. Ce brave réverbère, ce brave réverbère, il en a vu, oh, il en a vu entre autres deux, trois baisers entre deux jeunes du quartier qui tous les jours passaient et se croisaient sous son regard amusé sans jamais oser se parler. Et 30 ans plus tard, toujours au même endroit, les deux mariés repassaient. Mais cette fois-ci, faute d'un baiser, la femme décida plutôt de le gifler, de le gifler. Un jour les pavés disparaîtront et avec eux emporteront l'image de ce vieux lampion. Plus tard les parents diront à leurs enfants, tu vois chérie, le lampadaire était ici. Tous les jours noyés sous la piste des chiens et des chats, tu l'es tellement bien arrosé que jamais il ne fanera, imitant une douce lumière tamisée. Les sans-abri qui s'y arrêtent s'en servent de lampe de chevet, de lampe de chevet. Tu parles d'un destin pour celui qui éclaire nos nuits sans jamais s'endormir, qui éclaire nos nuits sans jamais s'endormir. Et s'il reste ici depuis toutes ces années, c'est que les bons côtés valent bien les mauvais. Un jour les pavés disparaîtront et avec eux emporteront l'image de ce vieux lampion. Plus tard les parents diront à leurs enfants, tu vois chérie, le lampadaire était ici, le lampadaire était ici, le lampadaire était ici. Il n'y a rien à comprendre. La consigne...